Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. On est encore très content de vous retrouver pour un nouveau podcast. Et comme vous le savez, dans Ludologie, on aime réfléchir sur le jeu, sa conception et la réflexion qui est produite dessus. En une vingtaine de podcasts, on a pu voir ou entrevoir la naissance du jeu, comment ça se crée et sa pratique. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas pu évoquer un point crucial, de toute production culturelle, la publication du jeu et sa diffusion. Vous l'aurez compris, oui, aujourd'hui, on va parler de l'édition du jeu. Le métier d'éditeur est un peu particulier puisqu'il il fait partie de la création du jeu, c'est une composante à part entière, mais toutefois, on ne peut pas vraiment prétendre que ça fait partie de la création de ce fameux game designer. Et justement, pour venir en parler aujourd'hui avec nous, on retrouve Coralie David qu'on avait rencontré à la fin de la première saison, qui donc est docteur, je pense qu'on peut dire ça. Comment tu te qualifies peut-être, Coralie David ? Ouais, oui, c'est ça, je suis docteur. On peut le dire, ça fait bizarre, mais oui, c'est vrai. Bah, bonsoir et merci de m'avoir invité. Alors, tu es donc docteur, entre guillemets, en jeu de rôlologie, mais c'est peut-être un abus de langage. Mais en tout cas, tu travailles dans la maison d'édition Lapin Marteau avec un certain Jérôme Larré. Et aussi chez Mnemos. Est-ce que tu peux nous repréciser un peu toutes tes casquettes pour commencer? Alors, dans l'ordre, donc la casquette, effectivement, docteur, c'est parce que j'ai fait ma thèse sur les jeux de rôle en lettres modernes. Et puis ensuite, parallèlement à ça, ça fait 5 ans, plus de 5 ans maintenant que je travaille dans l'édition. Donc j'avais commencé chez Black Book Édition, où je m'étais notamment pas mal occupée de la correction sur Pathfinder. Ensuite, du coup, je suis chez Mnemos depuis environ 3 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, j'ai plus la mémoire des dates. Donc là, chez Mnemos, en fait, j'ai plusieurs casquettes, mais je suis, on va dire, ce qu'on appelle éditrice, chef de projet, c'est-à-dire que je prends le projet à partir du manuscrit jusqu'à son départ en impression et je m'en occupe, voilà, de faire travailler l'auteur, de voir les illustrations, ce genre de choses. Enfin, je pense qu'on en reparlera en détail tout à l'heure. Et puis donc, chez Lapin Marteau, je suis désormais co-gérante donc avec Jérôme Larré. Et donc là, d'une façon, on va dire, au total, je serai sur tous les projets de la maison d'édition, quoi. Moi, j'ai envie de commencer par te demander en quoi ça consiste être éditeur de façon générale, avant de parler des différences qu'il peut y avoir entre l'édition de livres et l'édition de jeux de rôle et de jeux en général. C'est quoi les points communs? Qu'est-ce que c'est le plus petit nécessaire commun entre ces deux métiers? Déjà, pour préciser, parce que je l'ai pas fait, c'est un tort, Mnemos, donc c'est du roman. Fantasy, fantastique, science-fiction et aussi de la collection Ouroboros, qui sont des espèces de livres univers dont jadis récemment qui peuvent être assimilés à presque des suppléments de jeux de rôle sur l'univers, quoi. On va dire ça comme ça très vite. Et donc Lapin Marteau, c'est du jeu de rôle comme Ryutama. Et donc le plus petit dénominateur commun, je dirais que c'est déjà, on va dire, le travail sur le texte, quoi, qui est évidemment pas tout à fait le même, avec pas les mêmes contraintes, parce que on n'a pas les mêmes objectifs du tout. Mais ça reste quand même roman et jeu de rôle, des livres, quoi, et des livres où le texte a, on va dire, à la place majeure, quoi. On a parlé effectivement. Je voudrais revenir encore sur l'aspect livre qui va sans doute nous permettre de mieux comprendre après l'édition de jeux et particulièrement de jeux de rôle. Tu as parlé de gestion de projet, de projet de livre donc. Peut-être, est-ce que tu peux rappeler comment on gère un projet de livre? Eh ben, on va dire, vous voulez dire roman ou jeu de rôle pour le coup? Roman pour le coup. Un roman pour le coup, eh ben, on reçoit un manuscrit. Donc plus rarement sur des projets spécifiques, ça peut être l'éditeur en fait qui commande un projet. Par exemple, on peut aller vers un auteur avec lequel on a l'habitude de travailler et lui dire j'aimerais que tu m'écrives une trilogie de fantasy, donc avec plus ou moins de contraintes. Voilà, mais ça c'est quand même le cas de figure le plus rare, on va dire ce qui est le plus courant, en tout cas moi chez les gens avec qui j'ai travaillé, c'est de recevoir le manuscrit, sélectionner les manuscrits. Donc ça c'est quelque chose de très long et en plus où on prend beaucoup de critères en compte qui sont pas seulement nos goûts mais plein de choses extérieures, c'est-à-dire les contraintes de marché, ce genre de choses. Donc voilà, une fois qu'on a sélectionné le manuscrit, et ben on va travailler avec l'auteur. Donc c'est-à-dire que on va le faire écrire, on va en gros, pour résumer, essayer de l'aider à s'améliorer quoi, tout simplement, c'est-à-dire mettre en valeur ses points forts, essayer de avec lui de minorer ses points faibles. Bon, sachant que ça c'est pas tous les éditeurs qui travaillent comme ça, mais c'est vraiment une collaboration quoi, hein. Il n'est pas question d'ordonner quoi que ce soit ni d'aller contre la volonté de l'auteur, mais vraiment voilà, de travailler avec lui pour aider à améliorer le texte quoi, tout bêtement. Une fois cela fait, le texte part en correction orthographique, typographique. Donc c'est la relecture pour traquer les coquilles et ce genre de choses quoi, tout bêtement. Et puis ensuite, parallèlement à tout ça, il y a la commande d'illustration pour la couverture, il y a les devis pour les imprimeurs. Donc ce qui prend aussi pas mal de temps, on se rend pas forcément compte, mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Ensuite, on prépare des documents commerciaux qui sont très importants. C'est très peu connu du grand public, mais c'est ce qu'on appelle la diffusion-distribution. C'est-à-dire que la diffusion, alors en fait, c'est des entreprises sous-traitantes, hein, de la maison d'édition très souvent. Et en fait, le rôle du diffuseur, ça va être d'aller présenter l'ouvrage au libraire. Donc nous, pour qu'il fasse cette présentation dans les meilleures conditions, on lui fournit un document qu'on appelle souvent l'argumentaire de vente, où en gros on va lister les points forts du roman, en quoi il est spécifique, et en gros qu'est-ce qui nous a poussé à l'éditer. Et en fait, les diffuseurs, c'est national, ils vont dans les librairies, et c'est des VRP, et ils présentent au libraire le livre. Et à l'issue de cette présentation, le libraire choisit de commander les livres ou pas. Donc c'est évidemment une étape cruciale, parce que c'est ce qu'il va faire. Le libraire va choisir de prendre plus ou moins d'exemplaires lors de la sortie du livre. Et puis ensuite, il y a aussi le distributeur. Alors ça peut être la même entreprise ou pas, ça dépend, mais le distributeur, ça va être tout ce qui est logistique, en gros, hein, la personne qui va recevoir les livres dans ses entrepôts et qui ensuite va assurer la distribution dans tous les points de vente. Et ensuite, il y a l'impression, quoi. Donc le livre part en impression et après il est directement livré chez le distributeur et à partir de là, le distributeur redispatche les différents exemplaires dans les différentes librairies. Et puis ensuite il y a tout l'aspect communication. Donc ça peut aller, ça dépend vraiment des moyens des maisons, mais ça peut aller de la pub jusqu'à envoyer des services de presse aux chroniqueurs pour qu'ils chroniquent le livre. Voilà, ça peut prendre différentes formes, ça peut être imprimer des marque-pages, imprimer des documents de com, il y a aussi tout l'aspect contacter les salons pour que les auteurs viennent faire des dédicaces. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui vient après le projet, mais qui est important aussi et qui fait vraiment partie du job de l'éditeur, quoi. Ça fait une sacrée liste de métiers. Tu t'es arrêté assez longuement et effectivement c'est tout à fait cohérent dans le cadre de l'édition de romans sur l'accompagnement de l'auteur. J'ai l'impression que là déjà on tient quelque chose qui est différent dans la création de jeux et dans la création de romans notamment. Il me semble, et du coup dans l'accompagnement, il me semble que la notion d'auteur, elle va moins de soi en jeu que en roman, en littérature, en règle générale. Je ne sais pas si c'est un cas auquel toi tu as pu être confronté. Enfin, j'imagine que quand tu travailles sur Pathfinder, bon, on est dans le cas d'une traduction, hein, tout à fait, mais moi je serais bien en peine de dire qui sont les auteurs de Pathfinder, et je ne sais pas s'il y a une patte d'auteur et si un éditeur les a poussés à être à renforcer leurs points forts, comme tu disais. Ça dépend pas mal des jeux finalement, parce que si tu regardes à l'époque, dans les années 90, si t'es un auteur comme Croc, et si tu prends les couvertures des jeux qu'il a sortis à cette époque-là, t'as souvent un jeu de rôle de Croc, quoi. Donc c'est un petit peu l'exception, parce que c'est vrai que t'as raison, c'est quand même pas quelque chose de courant, mais il y a eu des effets auteurs dans le jeu de rôle, ça a clairement existé. Je sais pas, mais par exemple, tu vois, Saint des Tours qui sort le Musée de l'Homme, donc une compilation du travail en partie, de l'énorme travail de Tristan L'Homme. Voilà, là on a des cas effectivement où le nom d'auteur va faire vendre, ben, comme sur un roman, un nom d'auteur pourrait faire vendre. Mais vu que le jeu de rôle, surtout sur des grosses gammes comme Pathfinder, c'est une œuvre vraiment collective, quoi, où il y a vraiment beaucoup de personnes qui interviennent dessus. C'est vrai que dans la plupart des cas, je pense qu'on se trompe pas en disant que ben, qu'effectivement la notion d'auteur est vachement plus diluée dans le jeu de rôle. Enfin, moi je parle du jeu de rôle parce que c'est ce que je connais bien, hein, aussi, hein, dans l'édition. Dans le jeu vidéo, c'est peut-être un peu différent. Dans le jeu vidéo, il y a peut-être l'histoire des studios, par exemple. Tu vois un jeu, tu dis, ah, je vais faire un RPG BioWare, tu sais que ça va pas être le même RPG que si tu fais un RPG chez Bethesda, quoi. Enfin, non, mais là, on parle effectivement de studio, pas d'auteur spécifiquement. Tout à fait, ouais, vraiment. Ça prend le rôle, entre guillemets, effectivement, d'un auteur avec tout ce qu'il peut avoir derrière, c'est-à-dire une patte spécifique, une grille spécifique, avec beaucoup d'attentes derrière. Par exemple, à RPG BioWare, on s'attend à trouver des relations un peu spéciales entre les personnages, ce que tu vas avoir moins dans d'autres RPG, quoi. Donc ça prend ce rôle-là, mais effectivement, ça reste un studio, ça reste pas une personne unique. Bon, après, il y a quand même des gens dans le jeu vidéo qui sont très connus, notamment dans le jeu indé, qui peuvent un peu contredire tout ça, mais c'est vrai que globalement on est plutôt habitué à avoir des œuvres collectives et effectivement, ouais, la notion d'auteur est quand même beaucoup plus diluée que sur un roman. C'est intéressant que ce travail d'équipe que toi tu vois dans le jeu vidéo. Moi, après la description de la gestion de projet de livre, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal un travail d'équipe, mine de rien. Et ce qui pose la question, puisqu'on parle de notion d'auteur, qui a le dernier mot dans un gestion de projet, que ce soit de livre ou de jeu? Bon là pareil, ça dépend vraiment des boîtes, hein, mais globalement de mon expérience, en général c'est plutôt l'éditeur ou le chef de projet, quoi, je pense, hein. Après effectivement c'est toujours en ce qui me concerne c'est toujours une discussion avec les auteurs, voilà, comme je dis, il s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, mais très souvent le but est pas d'imposer, mais de trouver un terrain d'entente, quoi, de trouver quelque chose, une solution qui va satisfaire tout le monde. En général, de toute façon, quand on accepte un projet, on parle des contraintes dès le début, en disant par exemple, bah d'accord, je prends ce projet. Simplement, il y a tel aspect qui ne vont pas du tout. Est-ce que tu es d'accord pour les retravailler? Est-ce que tu es d'accord pour les modifier? Et puis, bon, l'auteur va dire oui, va dire non. Et en fonction, ça peut faire que le projet va être fait, va être édité ou pas. Donc, du coup, normalement, les contraintes, alors c'est pas toujours le cas, hein, il y a forcément des cas où ça accroche plus, mais normalement, le but, c'est de poser les contraintes dès le début, histoire que l'auteur fasse son choix en connaissance de cause et qu'il n'ait pas l'impression de se faire avoir ou de se voir imposer des choses qu'il ne veut pas pour son œuvre dès le départ, quoi. Ma question en fait aussi porte sur ces fameux échanges avec les auteurs. Effectivement, tu as insisté sur avant, entre guillemets, de signer le contrat d'édition, si j'ai bien compris. Quels sont les points sur lesquels un éditeur, mais aussi un auteur, doivent être vigilants lorsqu'il y a ce premier contact, ce premier engagement? Alors sur les contrats purs, il y a des petits points effectivement à regarder. Alors notamment on regarde l'éditeur en général de toute façon a des contrats types. Donc il connaît ses conditions, il sait ce qu'il veut. Les critères, il peut y avoir effectivement tout simplement la rémunération de l'auteur. Il peut avoir aussi le tirage, ce à quoi les auteurs débutants sont pas trop attentifs, mais qui devient très vite important, parce que plus on fait un tirage élevé, plus ça prouve qu'on croit en l'œuvre, quoi, tout simplement. Donc, on va dire des auteurs qui ont un peu plus d'expérience et qui clairement vont faire jouer la concurrence entre maisons d'édition, on va regarder cet aspect-là aussi. Il y a l'aspect par exemple droit après la dernière impression, c'est-à-dire à quel moment par exemple l'auteur récupère ses droits. Il y a aussi l'aspect droit dérivé, comment ça se passe pour les droits dérivés, si jamais il y a une adaptation en jeu, en film, n'importe quoi. Bon, ça arrive extrêmement rarement, mais bon voilà, c'est quand même des questions qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui se passe en droit de traduction? Bon, on est très peu traduit à l'étranger, hein, nous, en France. Enfin, là, j'entends la littérature française en général, hein, même hors genre de l'imaginaire, on n'est pas très souvent traduit, donc voilà, mais ça fait partie des choses à regarder, quoi. Après l'éditeur, ce qu'il attend, c'est de voir un auteur motivé, de l'engagement, notamment de l'engagement pour tout ce qui est l'aspect communication. Est-ce que l'auteur est prêt, une fois qu'il a écrit son livre, une fois qu'il est sorti, aller en salon, est-ce qu'il est prêt à communiquer, à se battre, c'est un grand mot, mais voilà, quoi, à faire des dédicaces, à faire des interviews pour qu'on parle un petit peu plus du livre, quoi. Dans l'édition de jeu, il y a une autre différence fondamentale avec l'édition de livre, c'est la notion de playtest. C'est du ressort de l'éditeur, le fait de vérifier que le jeu fonctionne, puisque finalement, le jeu, s'il doit faire œuvre, il fait œuvre sur son interactivité. Tout à fait, ouais. Effectivement, ça fait partie des grosses différences. Clairement, pour moi, à partir du moment où on prend un jeu, alors soit un jeu de créa française, même au niveau de la traduction, enfin à mon avis, le playtest fait effectivement partie du travail de l'éditeur, quoi. Et alors, comment on organise des playtests, justement, parce que on sait bien que par exemple quand il faut des relectures, on paye un relecteur et puis il fait le boulot. Je ne sais pas s'il y a des playtesteurs rémunérés, par exemple. Pas que je sache non plus. En général, il y a plusieurs façons de playtester les jeux, quoi. Par exemple, un auteur qui va playtester un jeu, qui va playtester son propre jeu, j'entends. Disons que il va pas playtester le produit fini lui-même. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être capable de maîtriser son jeu, par exemple à partir de notes qu'il a lui-même faites. Et donc, il va maîtriser son jeu comme il aimerait qu'il soit maîtrisé. Ça, c'est une première phase de playtest qui est importante, mais c'est qu'une des phases de playtest et il faut pas s'arrêter là parce que il y a plusieurs étapes. Donc, Jérôme Larré, il a pas mal défini ça sur son blog. En fait, t'as l'étape de la conception du jeu. Et puis, t'as deux autres étapes, et dont une qu'il appelle la transmission, la dernière. C'est-à-dire, OK, tu as fait ton jeu, tu le maîtrises, il marche, c'est super. Par contre, comment tu vas transmettre cette façon de maîtriser à tes joueurs, c'est encore une étape supplémentaire qui est très très importante et qui est vraiment pas la plus facile. C'est-à-dire que là, tu vas rédiger ton jeu, très bien, tu vas l'écrire, toi ça va te paraître clair évidemment, et puis ensuite tu vas prendre ton texte, ton texte, ton tableau, peu importe la forme que ça prend. Tu vas le donner à un meneur de jeu qui, lui, ne connaît pas ton jeu, n'y a pas joué en tant que PJ, va le lire et va lui maîtriser à son tour. Et là, il est possible de se rendre compte qu'il y a de la distance entre la façon dont il a perçu le jeu à travers sa lecture et la façon dont l'auteur du jeu, lui, le maîtrisait. Et là, tu vas pouvoir commencer à faire des ajustements en se disant, oui, quand j'ai rédigé ça comme ça, je me rendais pas compte que ça pouvait être compris comme ça, et là il y a un souci, il faut que je revoie ma copie. Donc c'est pour ça que les playtests sont très importants et très longs, parce que finalement t'as vraiment plein d'étapes dans les playtests. Il y a aussi tout le côté comment intégrer les retours et intégrer quel retour, quoi. Il faut savoir faire le tri également. Ça, c'est vrai que c'est une phase très très longue qui rajoute, enfin voilà, ça rajoute une étape considérable parce qu'effectivement, au roman, tu vas d'une façon à peu près équivalente travailler avec l'auteur sur ses points faibles, mais c'est un aller-retour, on va se dire, qui prend moins de temps, qui se fait beaucoup plus simplement. Là, effectivement, les playtesteurs, ben, je sais pas comment font la plupart des éditeurs, mais j'imagine qu'ils les trouvent dans leur entourage, ou des fois, c'est même dans l'entourage de l'auteur directement, quoi. Mais après, toutes ces étapes de playtest, c'est pas dit qu'elles soient accomplies par tous les éditeurs. Enfin, je peux vraiment pas parler pour eux, parce que je pense que chacun fonctionne différemment à son niveau sur tout ça, quoi. Moi, l'aspect de la traduction m'intrigue, puisqu'il y a parfois si tu ressors non pas de la traduction, mais de l'adaptation aussi à un public. Comment ça se gère et comment savoir si l'on respecte la volonté de l'auteur ou de l'éditeur qui est aussi responsable des ayants droit? Sur la traduction à proprement parler, ben c'est un travail avec le traducteur, quoi. Disons selon les licences, tu vas avoir des contraintes plus ou moins fortes, évidemment. Mais c'est effectivement quelque chose d'assez critique, quoi, parce que ça dépend sur le roman. Par exemple, je sais pas, tiens, je te prends l'exemple du Trône de Fer, puisque tout le monde connaîtra. Si tu lis la version française traduite par, chez Livre de Poche là, qui ont fait les grosses intégrales, en fait le style est assez ampoulé, quoi. Ampoulé, bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais il est quand même très, enfin, les phrases sont longues, il y a pas mal d'effets, ce genre de choses. Et en fait, quand tu lis le texte en VO, t'as une impression, en tout cas, de texte beaucoup plus simple. Et on a l'impression que le livre est un petit peu surtraduit. Mais c'est un choix du traducteur. Et peut-être que lui, il se dit, en traduisant comme ça, le lecteur va être plus dans l'ambiance du Trône de Fer ou dans ce qu'il imagine être l'ambiance, lui, du Trône de Fer. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est des choix, en fait. C'est clairement des choix que t'es obligé de faire. Je pense que la plupart des traducteurs ils le font toujours en pensant au mieux, quoi, clairement, pour l'œuvre et dans le respect de l'auteur. Mais c'est vrai que c'est une difficulté, ben, parce que des fois t'es obligé un petit peu de prendre la décision au moment où la traduction est faite, quoi. Comment, est-ce qu'il y a des échanges avec les auteurs originaux sur, voilà, je l'ai traduit comme ça, comment toi tu vois les choses, et comment ça se passe aussi? Je pense par exemple à, je crois que c'est, donc Jérôme a traduit un jeu en japonais, contrairement à ce que j'ai sous-entendu dans un autre podcast. Oui, exactement. Il a publié en français un jeu japonais. Voilà, c'était ça. C'est ça, ouais. Il y a quelque chose du ressort aussi de l'adaptation, où il y a des concepts peut-être qui sont un peu étranges, peut-être pour un public français ou francophone en tout cas. Comment ça s'adapte? Et au niveau du gameplay aussi, qui peut-être des habitudes de jeu qui sont différentes? Alors, je sais que sur Yutama, de ce que j'en sais, il a beaucoup échangé justement avec le premier traducteur. Il a revu des choses lui aussi, donc je sais que de son côté il y a eu quand même pas mal d'allers-retours. Après, sur le gameplay lui-même, justement, tout l'intérêt de Ryutama, c'est de proposer des choses un petit peu alternatives à ce à quoi on est habitué, justement parce que le jeu est japonais. Donc du coup, je pense qu'il est resté assez fidèle à tous ces concepts de gameplay de base. Par contre, si je dis pas de bêtises, ce qu'il a rajouté, c'est tout. Alors ça doit être dans les derniers chapitres, tout un chapitre en fait de recueil de MJ, peut-être pour caler un petit peu tout ça, expliquer mieux l'intention du jeu. Donc là, c'est un exemple typique où il, je pense, sans trop m'avancer, qu'il n'a pas touché, on va dire, ou grandement modifié le contenu original, mais où il a par contre fait un ajout de façon à expliquer, à faire le joint quand des fois les concepts pouvaient être un petit peu atypiques pour les joueurs français, quoi. Donc c'est effectivement un travail de pédagogie, en fait, qu'il faut faire pour expliquer tout ça. Ouais, je sais que par exemple, quand je travaillais en relecture sur Pathfinder, donc en étroite collaboration avec la traductrice de la gamme, Aurélie, il y a eu plusieurs fois où on échangeait entre nous, voilà, ou quand j'étais pas sûre du sens, ou quand elle avait un doute par exemple sur traduire un nouveau terme technique. par exemple, une compétence, ce genre de choses, on en discutait entre nous pour voir comment on le comprenait. Et si vraiment on avait encore le doute, il nous arrivait plusieurs fois de contacter directement les gens de Paizo, quoi, donc les éditeurs originaux du jeu aux États-Unis, pour leur poser des questions, quoi. Donc voilà, c'est... Ouais. Quand on traduit un jeu comme ça, est-ce qu'il faut en repasser par une phase de playtest, même plus légère? Est-ce qu'on vérifie aussi que le... Est-ce qu'on a aussi besoin de vérifier que le langage fonctionne en jeu? Sur une traduction, ça peut être... je pense que ça dépend vraiment des trades, quoi. J'imagine que sur... on va dire sur un jeu un peu atypique, c'est possible. Enfin, en tout cas, c'est toujours mieux de le faire. Par contre, sur, je sais pas, de la traduction, quand vous faites la traduction d'une grosse gamme où vous en êtes déjà à votre 10e supplément, avec un système qui est un D20 ou un système White Wolf, enfin voilà, ou un système où le système est très connu, je pense que c'est plus la peine, quoi. C'est toujours mieux dans l'absolu. Mais à partir d'un, voilà, quand on est sur des licences très connues, sur des systèmes de jeux très connus, c'est pas forcément nécessaire, quoi. Alors, pour continuer dans le cheminement des métiers de l'éditeur, tu as parlé du rapport à l'illustrateur et à la commande d'illustration. J'ai l'impression que là aussi, il peut y avoir une différence entre l'édition de romans et de jeux de rôle, notamment, parce que en roman, de ce qu'il m'en semble, on se contente quand même, en termes d'illustration, beaucoup à la couverture, là où le jeu de rôle, par tradition, est assez richement illustré. J'imagine que du coup, c'est pas du tout les mêmes demandes, et puis la présence et les choix de l'auteur sur qu'est-ce qu'on va illustrer, en dehors de la couverture, doivent se poser comme des vraies questions là-dedans, du coup. Bah oui, clairement, surtout que alors il y a des maisons d'édition clairement où l'auteur, on lui laisse pas trop le choix. On lui dit voilà, l'illustration c'est ça. Et puis je sais que en tout cas de ce que j'ai vu chez Mnemos ou de ce que je vois là chez Lapin Marteau, on essaye de faire en sorte que la couve plaise à tout le monde, quoi. Le but c'est aussi que l'auteur soit content quand il voit son livre arriver, hein. Mais après pour les différences, c'est vrai que on va dire que dans le cas du roman, clairement la couve, en fait, on dit c'est ce qui fait que le livre va se vendre tout seul. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va être en librairie, autour de tous les autres romans, il faut à la fois qu'il corresponde au rayon pour pas trop dépayser un lecteur, mais il faut aussi qu'il se distingue. Donc tout le challenge va être d'arriver à se positionner au juste milieu là-dessus, ce qui est vraiment pas évident. Mais effectivement, ça reste une illustration, quoi. Dans le cas du jeu de rôle, la commande d'illustration, c'est quelque chose qui est beaucoup plus qui est un travail beaucoup plus profond, parce que il y a plein de questions qui se posent. Il y a l'illustration de couverture, bien évidemment, mais il y a aussi toutes les illustrations intérieures qui vont vraiment marquer l'esthétique du jeu, et on peut vraiment partir sur plein de pistes différentes, quoi. Par exemple, on peut se demander, tiens, est-ce que ça peut être intéressant que l'illustration intérieure du jeu raconte une histoire? Par exemple, est-ce qu'on va garder les mêmes personnages sur tout le supplément? Et du coup, si on regarde juste les images du jeu, est-ce que elles peuvent raconter une petite histoire? Je pense par exemple à Pathfinder, qui reprend souvent les mêmes personnages, mais avec Jérôme, donc chez Lapin Marteau, on travaille à la traduction de Dogs in the Vineyard. Donc voilà, qui va être superbement illustré par Frédéric, notre illustrateur. Et on a voulu par exemple garder des personnages qui revenaient. Parce qu'on s'est dit, voilà, c'est intéressant aussi que les illustrations racontent elles-mêmes une histoire avec des personnages mis en scène dans lesquels les joueurs vont pouvoir se retrouver, mais qui vont avoir un intérêt en elles-mêmes, quoi. Je veux dire, si on prend que l'illustration, on a envie qu'il y ait un sens, qui se dégage, qu'il y ait un sens à tout ça, que quand on les regarde dans un certain ordre, il se passe quelque chose, quoi. Il y a deux choses qui me posent question dans ce que tu expliquais. Tu parlais de notamment du fait que les illustrations soient suivies, mais en soi, ça amènerait presque à poser la question de est-ce que l'image dans un bouquin de jeu de rôle, c'est un élément de game design? Voilà, vous avez 2 heures. Et puis l'autre question que j'ai envie de poser, plus spécifiquement sur Dogs in the Vineyard, dont tu parles et dont Marteau est en train de préparer la traduction, qui est un jeu de rôle indépendant américain de Vincent Baker originellement. On dit Vincent, pour faire croire qu'on a l'accent. Et pour le coup, vous produisez de nouvelles illustrations pour un jeu, c'est-à-dire que vous allez changer la forme par rapport au jeu tel qu'il a été conçu par son auteur originellement. C'est quelle est la place de l'éditeur là-dedans? Parce que du coup, au-delà de la traduction, il y a une transformation de l'objet jeu. Tout à fait. Bon, déjà, il faut savoir ce que déjà à la base de tout ça, il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre légal, c'est-à-dire que nous, on achète les droits sur un jeu. Les illustrations peuvent, alors c'est pas toujours le cas, des fois on achète tout en même temps, mais il peut arriver que les illustrations fassent l'objet d'un contrat séparé. Bon là, nous, dans le cas de Dogs, on avait clairement envie de faire un beau bouquin au sens objet, quoi. C'est-à-dire que bon, de toute façon, les illustrations sont envoyées à Vincent Baker, donc qui donne son avis, hein, bien évidemment. Et pour l'instant, on était très contents parce que lui l'était. Donc il a vraiment aimé la couverture, notamment que vous pouvez voir sur le site. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Mais oui, effectivement, le but, ben, comme vous disiez, faire des adaptations pour convenir à un public, il y a de ça. Et puis il y a aussi le fait, tout simplement, que nous, en tant qu'éditeur, on se dit qu'on a envie de faire un beau produit, de faire un produit adapté, et de faire ce travail-là, quoi, dans lequel on a un petit peu de liberté. Ce qui est très bien, parce que on oublie pas mal le côté créatif du métier d'éditeur. C'est-à-dire qu'on a effectivement plus ou moins de marge, mais là, dans ce cas-là, il se trouve qu'on avait une bonne marge pour travailler avec Frédéric, l'illustrateur. Et quand tu parles d'éléments de gameplay, clairement, l'illustration d'un bouquin de jeu de rôle, si ça marche bien, tu vois les illustrations, tu vois la couverture, tu as déjà une idée de l'univers, quoi. Disons que ça peut jouer sur l'immersion. Et ça peut te suggérer tous les codes que tu vas retrouver dans l'univers du jeu quand tu vas y jouer, quoi. Vas-y, je te laisse finir. Donc voilà, enfin là le but c'était par exemple de se dire ok, quelle est l'ambiance qui se dégage de Dogs, comment on peut la faire passer aux joueurs, aux MJ, juste par l'objet libre et juste avec les illustrations qu'on va y mettre dedans, quoi. Je vais revenir sur cette notion d'objet livre qui pour moi est assez centrale d'ailleurs dans le jeu de rôle, en tout cas tel que moi je le vois en tant que débutant de jeu de rôle. L'objet, le livre de jeu de rôle est un outil de entre guillemets de travail du maître de jeu, et ça demande des illustrations effectivement pour s'immerger dans un univers, mais aussi une facilité d'utilisation qui passe par l'illustration, on l'a dit, mais aussi par la maquette. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui est très travaillé dans le jeu de rôle. Comment, bon, ça va paraître un peu dur comme question comme ça, mais comment on rend facile à utiliser un livre de jeu de rôle? Ah ben ça c'est une vraie question, et avec pour le coup, enfin je pense que tous les éditeurs auront leur credo là-dessus. Pour moi le jeu de rôle c'est un livre pratique. C'est-à-dire dans la catégorie livres pratiques, et ben on met les livres de jardinerie, les livres de cuisine, ce genre de choses. Et ce qu'on apprend bêtement en formation édition, c'est qu'un livre pratique, il doit avoir beaucoup de titres, le texte doit être clair et aéré, et surtout ça doit être facile de pouvoir faire une lecture fragmentée. C'est-à-dire que c'est pas un livre qu'on va forcément lire d'un coup. Enfin, si, on va peut-être le lire d'un coup au tout début une fois, mais surtout on va y revenir après, on va faire une lecture fragmentée, on va picorer dedans, on va chercher des informations précises. Donc clairement, pour moi, le bouquin de jeu de rôle, il doit avoir un glossaire très détaillé avec des pages pour qu'on s'y retrouve facilement. Ça peut paraître un peu bête et un peu enfoncer une porte ouverte de le dire, mais en fait, il y a plein de gammes. Enfin, je pense notamment à certains suppléments White Wolf, où c'était un enfer de se retrouver, quoi. Ou à certains scénarios, par exemple, ça a beau être un jeu qui est vraiment dans mon top 5, je pense à certains scénarios de Cops où des fois le texte était particulièrement compact et où c'était très très difficile de s'y retrouver, quoi. Et là, clairement, c'est dommage et la maquette, on doit vraiment penser la maquette pour éviter ce genre de soucis, quoi. Faire des titres, aller à la ligne, avoir une hiérarchie entre les titres qui sont clairs pour pouvoir permettre aux meneurs ou aux joueurs de s'y retrouver assez facilement. Par exemple, je pense, après, si on regarde un petit peu très très vite l'évolution du jeu de rôle à ce niveau-là, si tu prends par exemple le livre de base de Néphilim, si tu prends la première édition, en fait, ils avaient voulu faire un gros travail sur la maquette, notamment tout autour des pages, tu vois, t'as un fond qui va encadrer le jeu pour avoir un côté, pour avoir toute l'ambiance qu'ils voulaient faire passer par là. Tu avais aussi la façon dont ils ont fait, dont ils ont organisé les illustrations. C'est-à-dire que si tu regardes la première partie du livre, les illustrations sont que des crayonnés, c'est-à-dire créés, quoi, de A à Z. Si tu regardes la deuxième partie du livre, c'est un mélange de photos et de dessins, donc des photos retouchées. Et la toute dernière partie du livre, c'est des photos. Donc tu vois, il y a une évolution dans ce qu'ils voulaient représenter par la maquette, c'est-à-dire une progression vers quelque chose qui parle d'un concept très imaginaire pour aller vers le plus réel. Donc il y a pas mal d'infos qu'on peut faire passer comme ça. Et clairement, la maquette de jeu de rôle, c'est un vrai casse-tête. Surtout, on va dire pour les pionniers du jeu, quoi, pour ceux qui ont travaillé sur les jeux dans les premières années du média, parce que clairement, les choses ne vont pas de soi, quoi. Les choses ne vont pas de soi, et il faut vraiment se demander, du point de vue pédagogique, est-ce que la maquette, elle est claire? Est-ce qu'on va retrouver des infos rapidement et facilement pendant qu'on est en train de maîtriser? Et voilà, c'est des contraintes, en fait, qui sont, quand on y réfléchit, qui sont assez compliquées, en fait, à déjouer. Et il y a une fonction de l'éditeur dont on a assez peu parlé, et toi aussi, dans son descriptif, et on ne pourra pas l'éviter continuellement dans le podcast, c'est la question du pognon. Effectivement, évidemment qu'on va bien en parler quand même. J'ai pas trop suivi si l'évolution des choses dans le roman. Alors, il y a plusieurs choses. Commençons par la rémunération des auteurs. Il me semble qu'il y a un us en édition de romans et de littérature qui est notamment une culture de l'avance sur recette, chose qui, il me semble, n'est que peu développée en jeu de rôle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche, ce principe de l'avance sur recette? Alors effectivement, pour un roman, c'est vrai que l'avance sur les droits d'auteur, en fait, c'est quelque chose qui se pratique assez couramment. Donc il faut savoir que une rémunération d'auteur sur un roman, pour vraiment vous donner une fourchette bien large, on va aller de 3 à 12%. En vérité, c'est plutôt 5-10, quoi. Voilà, mais ça peut monter jusque là. Et donc effectivement, on donne une avance sur ses droits d'auteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la somme a été atteinte en droit d'auteur, après l'auteur continue à percevoir de l'argent. Il y a certaines maisons qui ont des pratiques où, en fait, plus l'auteur vend, plus sa rémunération augmente. Par exemple, je m'explique, on va dire que par exemple, si l'auteur vend 2000 livres, il va toucher 10%. Si il se vend de 3 à 5000 livres, il va toucher 11%. Et à partir de 6000 livres, il va toucher 12%. Voilà, c'est des espèces de rémunérations comme ça, progressives. Ça existe aussi pas mal dans le roman. Dans le jeu de rôle, par exemple, si c'est une commande, effectivement, c'est assez courant, de ce que j'en sais, de donner des avances aussi. Donc ça c'est des pratiques après qui sont difficiles à connaître, hein. Il faut vraiment être dans les j'ai envie de dire dans les maisons pour avoir ce genre d'informations, parce que c'est pas des informations qui se partagent facilement, mais voilà, de ma connaissance, il y a plusieurs maisons qui notamment sur des commandes de jeux ou de suppléments peuvent pratiquer ce coup-là de l'avance en fait. Et après aussi là où ça a été, on va dire, enfin là où j'ai pas trop d'informations parce que j'y étais pas, c'était on va dire quand le jeu de rôle vendait pas mal, c'est-à-dire à la fin des années 80, début des années 90, avant le tollé et la chasse aux sorcières qui a suivi, finalement, en tout cas en France, vous aviez beaucoup d'auteurs de jeux de rôle qui étaient aussi éditeurs. Donc ça, j'imagine, hein, là c'est des spéculations que ça marchait un petit peu, enfin que là chaque maison avait ses pratiques, parce que ben je sais pas que ça soit enfin Cireuse, voilà, bon ben Croc était à la fois auteur et travaillait aussi pour la maison d'édition, c'était la même chose chez Multisim. Donc là, j'imagine que les pratiques devaient être assez spécifiques à chaque maison, et on avait pas mal de gens qui avaient la double casquette en fait, éditeur-auteur. Donc comment ça se passait pour eux, là, je saurais pas le dire évidemment quoi. Mais après, du coup, j'imagine que sinon ça doit se faire en droit tout bêtement quoi, c'est-à-dire ce qui se pratique le plus couramment, le pourcentage quoi. En fait, de toute façon, c'est très souvent un pourcentage quoi. Soit c'est un pourcentage, soit c'est au forfait, c'est-à-dire on paye la personne, on dit ben voilà, tu toucheras tant et puis c'est tout. Soit comme je vous ai dit, l'avance. Et ensuite, une fois que les droits d'auteur atteignent le montant de l'avance, et ben on continue à verser les droits selon le pourcentage. Mais ça dépend vraiment, enfin c'est vraiment des pratiques où je peux pas vous dire, le plus souvent c'est comme ça, parce que ça dépend vraiment, vraiment de chaque maison, quoi. Brièvement, je vais te poser une question sur un point que tu as évoqué. Tu as parlé de chasse aux sorcières à la fin des années 80, début des années 90. Est-ce que tu peux peut-être expliciter ce passage? Oui. Bon, je pense que pas mal de rôlistes connaissent, mais c'est un espèce de déchaînement médiatique qu'il y a eu contre le jeu de rôle suite à certains faits divers qui ont été la plupart du temps qui ont été de ma connaissance, en tout cas en France, hein, parce qu'aux États-Unis c'est un petit peu différent, mais en tout cas en France, qui ont été toujours injustement attribués au jeu de rôle en fait. Si vous voulez vous intéresser au sujet, il y a le livre de Jean-Hugues Matelli, qui est un gendarme qui est rôliste et qui s'était beaucoup penché sur ces affaires, sur ces faits divers en question. Donc il s'appelle Toulon Istres Carpentras, donc voilà, de Jean-Hugues Matelli, qui lui revient en détail sur toutes ces affaires et explique que voilà, il n'y avait pas vraiment lieu de se déchaîner comme ça contre le jeu de rôle. Donc c'est quelque chose qui allait très loin, puisqu'il y a même eu un arrêté pour interdire le jeu de rôle dans un département du sud-est, je ne sais plus lequel c'est, je voudrais pas dire de bêtises, donc je préfère pas le dire. Voilà, mais il y a eu une espèce de déchaînement médiatique où on s'est mis à accuser le jeu de rôle de tous les maux, bah, exactement de la même manière que quelques années avant, on avait pu accuser la BD de plein de maux différents, et comme maintenant, dès que vous avez un GTA qui sort, et ben il y a toute une frange moraliste qui va se lever pour dire ben que ces jeux ont une influence néfaste sur les gens qui y jouent quoi. D'accord. Voilà, c'était juste pour éclairer ce point-là, pour les gens qui n'auraient pas connaissance de ces affaires-là. Bien qu'évidemment, je pense pas que le jeu puisse faire du mal à grand monde. Autre point qui vient très vite à l'esprit, puisque quand on parle d'argent, c'est le rapport, entre guillemets, aux indépendants, même si le terme est très galvaudé, et je préférais parler de d'auto-publicateurs ou d'auto-édition, en tout cas. Manuel pourra en parler plus longuement que moi, avec la diffusion par exemple de ces jeux, hein, appelons les un chat, les jeux de Manuel sont diffusés sur un site d'auto-publication que je ne nommerai pas. Et donc voilà, la rémunération du coup paraît plus direct, même si ça peut être questionnable. Quel est l'avantage peut-être d'avoir un éditeur par rapport à s'auto-publier? Ah, c'est un sujet qu'on avait notamment abordé avec Jérôme dans un des derniers casus là. Effectivement, enfin, je suis assez d'accord quand tu parles d'autopublication plus que d'éditeur indépendant. Alors c'est pour une raison toute bête, c'est-à-dire que dans l'édition de littérature de romans, on parle d'édition indépendante. Tout simplement la maison d'édition n'est pas rattachée à un gros groupe de presse. Donc par exemple, Nemos, Les Moutons Électriques et ActuSF ont fait une association qui s'appelle Les Indépendants de l'Imaginaire, les Indés de l'Imaginaire, parce que sont considérées comme indépendantes les maisons qui n'appartiennent pas par exemple au groupe Hachette, qui n'appartiennent pas au groupe Editis. Donc l'édition indépendante pour moi, enfin telle que c'est dans ce milieu de l'édition là, c'est une maison d'édition mais indépendante, c'est-à-dire qu'elle prend ses décisions toute seule, il n'y a personne au-dessus d'elle pour lui donner des objectifs ou des contraintes. Effectivement, c'est différent de l'auto-édition où là on va avoir un auteur qui va s'auto-publier. Alors effectivement, c'est évident qu'il y a une notion d'indépendance très très forte avec le fait de s'auto-éditer, voilà. Mais c'est juste sur la nomenclature où des fois c'est vrai que c'est un peu compliqué d'en parler parce qu'il y a une espèce de dans le jeu de rôle, voilà, comme il n'y a pas de grand groupe qui possède même les plus grosses maisons de jeux de rôle en France. Voilà, il y a une espèce de petite confusion des fois dans les termes. Donc c'est vrai que c'est bien de le préciser. Donc oui, l'avantage, c'est vrai que l'auto-édition, ça va clairement être, l'indépendance et surtout, la totale autorité sur son œuvre, quoi, de dire, moi, mon œuvre, je veux qu'elle soit comme ça, je veux qu'il y ait tel type d'illustration et je veux qu'elle soit, je veux qu'elle soit de A à Z comme j'ai décidé. Après, l'avantage d'un éditeur, c'est que déjà, c'est un partenaire. Bon, alors. Évidemment, c'est comme toutes les relations, ça se passe pas toujours très bien. Ça, je vais l'apprendre à personne. Mais quand ça se passe bien, enfin, c'est vraiment un partenaire parce que travailler sur un jeu, travailler sur une œuvre, même si on peut l'appeler tester avec ses amis, tout ça, ça peut être assez solitaire en fait. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un autre joueur ou deux à votre table qui sont investis dans le projet, qui en discutent avec vous après des parties pour améliorer, vous donnent des conseils, vous donnent leur retour, c'est finalement un travail de longue haleine qui peut être assez difficile. Parce que très solitaire. Donc déjà, l'éditeur peut être un bon partenaire et aura à peu près autant à cœur que vous d'améliorer le jeu et de faire le meilleur jeu possible au final. Et puis surtout, comme avantage, on va avoir cette amélioration qui est quand même le plus important à mes yeux. Qui va être les autres avantages. On va avoir par exemple la distribution. Donc par exemple, si vous êtes chez un éditeur, professionnel, distribué en boutique, votre jeu, vous le rend en boutique de jeu, quoi. Donc c'est quand même pas tout à fait le même public qu'on touche par internet ou par l'auto-édition. Donc il y a ça. C'est quelqu'un qui va engager les coûts à votre place, c'est-à-dire que les coûts d'impression, tout ça, c'est lui qui va les payer. Donc vous avez passé du temps sur le jeu et tout ça, et on est d'accord que les auteurs sont toujours pas assez rémunérés pour le travail qu'ils font, que ce soit dans n'importe quel domaine, en jeu ou en roman, ça c'est incontestable. Mais bon voilà, il va quand même engager des frais d'impression qui sont toujours de quelques milliers d'euros, quoi. Donc c'est quand même pas rien. Et puis ensuite, il y a tout le travail de communication derrière, quoi. Disons qu'un éditeur qui va être connu, qui va avoir ses contacts dans la presse spécialisée, qui va avoir ses contacts avec certains chroniqueurs d'internet, va envoyer des services de presse, va relancer les gens qui ont eu les services de presse pour savoir si le jeu a été chroniqué et qui va vous faire profiter en fait de tous ces contacts, quoi, pour cet aspect communication, quoi. Après, moi je dis pas que l'un est mieux que l'autre, hein. Clairement, je comprends tout à fait le désir de s'auto-publier, de faire son jeu comme on a envie de le faire et de le distribuer comme on l'a envie, quoi. C'est effectivement deux démarches différentes dont chacune a ses avantages et ses inconvénients. J'ai envie de te prendre au mot sur cette histoire de d'avance des coûts. Je pense que tu vas me voir venir d'assez loin. Le métier d'éditeur a changé quand même depuis quelques années, et notamment sur cette question de l'investissement financier que devait avoir un éditeur avant de pouvoir publier. c'est plus tout à fait comme ça maintenant pour beaucoup de publications. Je ne saurais pas dire en littérature, en jeu de rôle en tout cas, c'est devenu quelque chose d'assez commun de faire des levées de fonds en amont, enfin des levées de fonds, des précommandes, du crowdfunding, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas de toucher l'argent avant d'avoir à produire le produit. Ça change pas mal de choses, j'imagine, dans le métier. Ben oui, ça change clairement pas mal de choses, et puis surtout, c'est vrai que ça pose quand même plein de questions sur sur un rôle de l'éditeur. On a tous vu les tollés arriver quand certains gros éditeurs ont commencé à faire le crowdfunding, mais au final leur crowdfunding ils sont financés et les gens finissent quand même par acheter par ce biais. Bon, après sur le roman ça se fait quand même peu, par rapport au jeu de rôle ça se fait extrêmement peu. C'est en général sur des projets parce que il y a quand même l'aspect improfessionnel ne fait pas du crowdfunding pour un éditeur de romans qui existe depuis un petit moment. C'est encore il y a une espèce de cap psychologique à passer qui est pas encore à mon avis passé, quoi, tout bêtement. Par exemple, sur Les Moutons Électriques, on fait pour le panorama de la fantaisie du merveilleux. Parce que c'était un ouvrage exceptionnel, on va dire, en termes de produits, quoi, de livres-objets. C'est un livre qui coûte cher à produire. Nemos l'a fait avec Jadis. Là, pareil, on est dans le même cas. On est sur un livre qui coûte extrêmement cher à produire, sur des projets qui représentent un risque financier très fort. Et ça a eu beaucoup de succès, quoi. Donc, on est sur des produits atypiques, voilà. On n'est pas sur du roman, sur un livre lambda, quoi. C'est vraiment des coûts spécifiques et surtout des projets vraiment atypiques, on va dire peut-être même presque expérimentaux, quoi. De dire voilà, on va tenter de faire ça, parce que par exemple dans le cas de Jadis ce serait fait de toute façon. C'est ce qui était très clair dans le financement, c'était le livre est quasi, est à un stade très avancé, il va être fait, par contre aidez-nous à le rendre le plus beau possible. Donc voilà, c'était quand même la petite différence. Après, sur le jeu de rôle, le fait que ce soit un marché qui est très fragile, c'est-à-dire on se rend souvent pas compte dans le jeu de rôle, on dit les gros éditeurs, mais même les plus gros éditeurs dans le jeu de rôle, si on regarde ça à l'échelle de l'édition roman, ça reste des tout petits éditeurs en fait. C'est des choses qu'on a du mal à mettre en perspective, mais ça reste quand même des petites maisons d'édition, quoi. Le fait qu'en plus ce soit un marché de niche et qu'on essaye souvent de faire des beaux produits, dans le sens où c'est des grands formats, c'est des couvertures cartonnées et pas tout le temps hein, mais souvent des pages en couleur, ça c'est quand même des choses qui vous font monter beaucoup de production de façon assez impressionnante. Donc ça a rien à voir avec le coût de produire un roman, quoi, un roman en couverture souple. Donc le fait qu'il y ait l'aspect passionné collectionneur, je pense que le crowdfunding sur le jeu de rôle en France prend particulièrement bien à cause de ça. Parce qu'on a quand même des produits, sauf accident, quand je regarde les sorties de jeux de rôle, d'une façon générale, la qualité du produit lui-même, de l'objet, on a quand même des choses qui sont assez hautes, quoi, en termes de critères de qualité. Donc du coup, le crowdfunding peut paraître choquant, on va dire, sur des grosses licences, par exemple sur l'appel de Cthulhu, ce genre de choses, mais il faut pas perdre de vue que c'est toujours un risque financier, quoi qu'il arrive. Donc après effectivement c'est une démarche qu'on peut critiquer en disant l'éditeur joue plus son rôle et compagnie, mais malgré tout même avec un crowdfunding, ça veut pas dire que le risque est totalement éliminé derrière, quoi. C'est-à-dire? Ça dépend de pas mal de choses, mais ça dépend comment le financement participatif, par exemple, est étalonné. Par exemple, le financement participatif ne peut payer qu'une partie de l'impression. Ça peut être une première chose. Donc, du coup, c'est une partie du risque, effectivement, qui est prise en charge par le crowdfunding, mais c'est pas la totalité. Et puis derrière, il y a quand même les ventes en boutique qui doivent suivre pour faire vivre la gamme ou pas, quoi. C'est quand même pas négligeable non plus, quoi. Après, c'est, enfin, moi, je suis pas dans les petits papiers des gros crowdfunding et on va dire de leur rapport et de, enfin, du rapport de bénéfices qu'ils ont fait dessus. Donc, je veux pas avoir l'air de dire c'est complètement normal, c'est ce qu'il fallait faire et tout. Hein. Je dis juste que même quand il y a des grosses licences comme ça, il y a jamais zéro risque, quoi. Ça existe pas, surtout sur un marché aussi petit, sur un marché de niche. Comme ça, il n'y a pas de risque zéro, quoi. De toute façon, à partir du moment, enfin, vous avez les ventes d'un livre de base, il faut garder à l'esprit que les suppléments derrière vont toujours se vendre moins. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça à prendre en compte, quoi. Après, je comprends tout à fait que les joueurs se disent ok, c'est pas, enfin s'interrogent et clairement se prennent un peu mal le fait que sur certaines grosses licences on fasse appel à des au financement participatif. Hein, c'est quelque chose que je comprends aussi, quoi. Mais bon, voilà. Moi, je connais pas les gens, donc j'essaie juste de mettre à leur place, en fait, et d'imaginer un petit peu la démarche qu'il y a pu avoir derrière, quoi. Mais là aussi, c'est avant tout des suppositions, quoi. Moi, il y a un truc qui me frappe beaucoup, puisqu'on a évoqué tout à l'heure les grands groupes de presse, ou en tout cas d'édition, comme par exemple Hachette, hein, ou d'autres. Comment ça se fait que, à l'échelle du jeu de rôle, on ne retrouve pas de groupes, ou en tout cas de partenariats, de groupes de maisons d'édition? On a l'impression que il n'y a pas de d'alliance entre guillemets entre éditeurs. Tout à l'heure, par exemple, tu as cité le cas des éditions de l'Imaginaire, si je dis pas de bêtises, et j'ai l'impression qu'on ne retrouve pas ça dans le jeu de rôle. Comment ça s'explique? Pourtant, à plusieurs, on est plus fort. Ouais, bah ça, pour ça pareil, hein, là ce ne sont que mes supputations qui valent ce qu'elles valent avec les entretiens que j'ai pu faire avec les éditeurs et tout ça. Je pense que c'est tout simplement un marché qui est trop petit, en fait, pour ça. Pour l'instant, hein. Il y a eu des tentatives, c'est pas dit que dans l'avenir ça se fasse pas, hein, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a un côté, le fait que le marché soit si petit et qu'il finalement il y ait si peu d'acteurs. Fait que ça se fait pas, quoi, tout simplement. Quand tu dis petit, parlons chiffres, histoire qu'on puisse se rendre compte aussi. Petit, c'est qu'il y a peu d'éditeurs, quoi, tout simplement. Il y a peu d'éditeurs et moi les chiffres, je peux bien vous donner l'idée des chiffres que j'ai, mais ça reste une idée, attention, hein, c'est pas du tout tout le monde a sa petite idée là-dessus et de toute façon personne voit les chiffres de tous les éditeurs français, donc c'est une fourchette, hein, après toutes les informations que j'ai pu recouper que j'ai essayé de déterminer, mais je pense qu'un très gros succès sur un livre de base, vous en vendez 5000, un très gros succès, hein. Une très grosse gamme. Je pense que sur vraiment une très grosse gamme classique, grand format, cartonné, traduction américaine d'un jeu très connu, je pense que sur peut-être un an, deux ans, trois ans, vous arrivez peut-être à ce chiffre-là. Sachant que chaque fois qu'il va y avoir des suppléments, enfin les suppléments, en général, c'est peut-être un tiers, deux tiers moins de ventes, quoi. Là aussi, ça dépend énormément des gammes, donc c'est difficile de donner un chiffre précis. Sur les petits formats, sur les jeux petits formats type Doucinge, un peu John Doe, bon, sauf gros carton exceptionnel, les chiffres vont être beaucoup moins importants, quoi. Enfin, de ce que j'en sais, encore une fois, hein, je veux pas m'avancer parce que moi je connais pas les chiffres de ces gens. Donc sur des petits formats, voilà, on va avoir des chiffres qui vont être moins importants, quoi. Donc ça reste quand même pas énorme, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, à une époque où Mnemos débarque dans l'édition de Fantasy, les romans, c'était bien plus que ça, quoi. C'était bien plus, enfin c'était plus que ça se vendait, quoi. Et bon, c'est plus le cas aujourd'hui, hein, pour le roman, parce que le roman ça se vend ben, beaucoup moins bien qu'il y a 20 ans, quoi. Clairement, il y a une baisse pour tous les éditeurs, mais voilà, quoi, on est sur une échelle qui est ben, dans le jeu de rôle, qui est quand même très spécifique à ce marché-là, quoi. Surtout avec le fait qu'en plus, non seulement il y a ces chiffres-là qui soient pas énormes, mais qu'en plus vous êtes sur des produits qui sont super chers à fabriquer, quoi. En fait, je pose cette question parce que aussi je pense à cette communauté entre guillemets qui est en train de se former, en tout cas dans le jeu de rôle, d'auteurs qui se connaissent, qui ont joué ensemble, qui ont fait des podcasts ensemble parfois. Et je sais que par exemple toi dans le cadre de tes travaux de thèse, tu as envoyé en tout cas des questionnaires, je crois, à toute une série d'auteurs comme ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent justement de l'édition de leur travail? Bon, c'est très variable, hein, c'est très variable. Il y a des gens qui vont vous dire que les éditeurs leur ont jamais rien apporté ou avec qui ça s'est mal passé, hein. Ça ça existe, hein, c'est l'expérience de chacun, il y a pas de souci. Il y a des gens pour qui la collaboration va être clairement fructueuse. Voilà, où il y a vraiment un partenariat, un échange, ce genre de choses. Et puis vous avez les gens, donc ceux qui se regroupent sous le groupe, on va dire, des indépendants, qui font leur jeu dans leur dans leur coin. J'allais dire dans leur coin, non, c'est pas ce que je veux dire parce que ça semble un peu péjoratif, mais voilà, qui font leur jeu de A à Z de façon totalement indépendante et qui eux voient l'éditeur vraiment comme quelqu'un qui va un peu qui va clairement castrer leur créativité, quoi. C'est, on va dire, les trois grosses tendances qui se dégagent s'il faut vraiment faire des catégories. Et puis il y a aussi des gens qui ont été édités au début de façon, on va dire, classique, ont fait leurs armes dans le métier, et puis de deux choses l'une, soit ils se sont dit moi je vais me lancer comme éditeur maintenant parce que j'ai assez de bouteilles pour le faire, ou soit maintenant j'ai assez de bouteilles pour le faire, donc je vais faire mes jeux tels que j'ai envie qu'ils soient, tout seul ou alors avec des gens choisis, parce que maintenant j'ai assez d'expérience et j'ai assez de compétences pour le faire moi-même, quoi. Pour faire un peu le tour de la question puis revenir aux questions originelles, première qu'on a posée, c'est quoi du coup pour toi, une fois qu'on a parlé des points communs, c'est quoi du coup pour toi les plus grandes différences entre l'édition de jeu, et en particulier de jeu de rôle du coup, et l'édition de livre, comme tu es passé par les deux milieux? C'est clairement ce qu'on disait au départ, l'aspect collectif qu'il peut avoir sur la création. Donc c'est pas toujours le cas, mais on va dire sur le jeu de rôle, il y a une espèce de multiplication des étapes, quoi, qui peut être de deux ordres. C'est que déjà il y a toute la phase playtest que vous avez soulignée, qui clairement va faire un nombre d'allers-retours plus important, donc qui va encore allonger le temps de travail sur le jeu lui-même. Donc il va se faire forcément dans une temporalité plus longue, parce que pour faire des playtests, il faut des gens, il faut trouver des créneaux pour les réunir, etc. Il faut traiter les retours, choisir quels retours on intègre, comment on les intègre, ce genre de choses. Donc clairement, on va être sur une temporalité qui va être plus longue. Et puis en plus, il va y avoir, si vous avez un jeu, alors c'est pas toujours le cas, hein, mais si vous avez un jeu avec 1, 2, 3, 4, ça commence à faire pas mal, mais concepteurs, ça va être encore un facteur qui va allonger un petit peu le travail, puisque dans une œuvre collective, il faut que tout le monde puisse s'exprimer, il faut que tout le monde puisse donner son avis et voilà, quoi. Bon, après, ça peut être aussi un avantage parce que du coup, si vous avez plus d'auteurs, ils peuvent peut-être faire plus de playtests en parallèle. Donc c'est quelque chose qui est quand même difficile à gérer, quoi, mais bien géré, ça peut aussi être un gros avantage, quoi. Donc voilà, moi je trouve que la principale différence, c'est que sur, bah, sur le jeu de rôle, on est quand même sur une temporalité qui est plus longue en fait. Avec plus d'acteurs, peut-être plus d'intervenants et des phases supplémentaires. Je vais... On arrive déjà à une heure de podcast. On a bien écrémé la question. Je vais te poser une dernière question avant de partir sur la question traditionnelle de fin de podcast. Mm-hmm. Pour toi, qui a étudié en long, en large et en travers dans le cadre de tes recherches universitaires, le jeu de rôle, pour toi qui a édité à la fois du roman et qui va éditer du jeu de rôle avec Lapin Marteau, etc. Et tes connaissances aussi d'auteurs de jeux de rôle, qu'est-ce qui fait un bon auteur et un bon éditeur, puisque c'est ce duo en fait qui se retrouve dans le livre que reçoivent le joueur. Waouh, c'est une vaste question. C'est une vaste question. Je sais pas. Dans les deux cas, ce qu'il faut se rappeler, c'est que, à mon sens, hein, c'est vraiment comme moi je vois le boulot de l'éditeur, c'est que moi l'auteur, il travaille pas pour moi, il travaille avec moi, et c'est vraiment un partenaire. Et quand ça marche bien, c'est vraiment génial. Enfin, quand on parle de créativité dans ce boulot-là, moi, il y a certains livres que j'ai dirigés. Quand ça s'est bien passé avec l'auteur, qui séchait par exemple sur un point, qu'on échangeait en disant mais là tu pourrais faire ça, ouais ce serait vachement bien. Imagine il se passerait ça ou ce genre de choses, ou là ça serait bien qu'on rajoute tel aspect à l'univers. C'est le pied pour les deux, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que du coup il se crée une émulation et là on apporte vraiment à l'auteur, et donc on apporte vraiment à l'œuvre, quoi. Donc voilà, un bon éditeur, c'est quelqu'un qui impose pas, mais qui en fait c'est pas quelqu'un qui ferme des portes, mais c'est quelqu'un qui en ouvre, quoi, on va dire, pour faire un raccourci un peu caricatural. Voilà, c'est en gros pas dire non ça va pas. C'est de proposer autre chose, quoi. C'est de dire voilà, ça, il y a un souci pour telle et telle raison, qu'est-ce que tu penserais si on pouvait faire ça, ça et ça, et en fait d'amorcer la discussion avec l'auteur, pour lui donner des billes quand lui, soit il a plus d'idées, soit il est face à un mur, quoi. Donc vraiment, pour moi, la qualité de l'éditeur, c'est de comprendre l'auteur, de se projeter un peu dans ce qu'il veut faire, et surtout quand il se retrouve coincé, lui donner des clés pour trouver des solutions aux soucis, quoi, et surtout d'être créatif et de faire des propositions pour améliorer l'œuvre, quoi, tout simplement. Après ouais, l'auteur, je dirais, ouais, à la limite de garder un esprit ouvert et de pas oublier que à moins de tomber sur un mauvais, enfin j'allais dire sur un sale type, mais sur un éditeur mauvais, enfin en tout cas ce qui à mon sens fait un mauvais éditeur, que on n'est pas là pour défigurer son œuvre, on n'est pas là pour lui imposer des choses, mais on est là pour faire en sorte que son jeu soit encore mieux. Et surtout après, une fois que le jeu est fait, pour faire en sorte qu'il rencontre le plus large public possible, quoi. Voilà, on est vraiment, le but c'est vraiment d'être un passeur, quoi, et d'être le relais entre la personne qui a fait son jeu et le public qui va être content d'y jouer, si jamais il arrive à découvrir le jeu, quoi, si jamais il en entend parler. Alors, je retiens en tout cas ouvrir des portes, susciter peut-être une passion du jeu de manière créative et être un passeur peut-être de passion et de plaisir de jeu en tout cas. Merci beaucoup Coralie pour cette deuxième participation au podcast. Ça nous a fait très plaisir de te recevoir sur ce podcast. Et je vais te poser une question qu'on t'a déjà posée il y a quelques mois maintenant, mais qu'on peut te reposer parce que peut-être le ou les jeux ont changé. En ce moment, à quoi tu joues ? En ce moment, à quoi je joue ? On a joué la semaine dernière à Vampire City. Et puis, donc, on devrait enchaîner sur une campagne western d'ici pas très très longtemps. Voilà. Et en jeu vidéo, parce qu'on sait que t'aimes bien les jeux vidéo. En jeu vidéo, j'ai un peu honte parce que là, j'ai pas trop le temps de jouer, mais je suis toujours sur The Last of Us, quoi, que décidément, j'arrive pas à finir et qui me pose un vrai problème critique parce que je reconnais que ce jeu est plein de qualités, mais moi, j'accroche pas et je sais pas pourquoi et ça me chagrine beaucoup. Et voilà. Peut-être donc le sujet d'un futur podcast, qui sait. Voilà. Merci beaucoup, Coralie David. Parmi ces casquettes docteur en jeu de rôle, si je peux me permettre cette nomination, travail donc d'édition chez Mnemos et Lapin Marteau. Merci beaucoup et donc à dans 15 jours pour un nouveau podcast de Ludologie. Merci encore, à bientôt.